Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marche, c'est vachement plus ordonné que nous. In R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Comment allez-vous? C'est Thierry Gallet, j'espère que vous allez très très très très bien. Nous sommes le 23 septembre de l'an de grâce de 2020 et c'est la 464e saga des Fab Four qui commence jusqu'à 22h, un petit peu plus parce qu'Eric n'est pas là ce soir. Alors j'ai fait une programmation un poil plus longue pour nous permettre de nous faire plaisir. L'album de la semaine, ce sera les Traveling Wilburys, le volume 3 sorti en 1990. À noter qu'il n'y a pas eu de volume 2, puisqu'ils ont commencé par Traveling Wilburys volume 1, puis volume 3, parce qu'entre-temps, Roy Orbison est mort et ils ont décidé qu'ils n'auraient pas fait le 2 sans lui. Du coup, ils ont fait le 3. Vous voyez, c'est l'humour anglais, ça. Mais bon, c'était bien. On écoutera She's My Baby, Inside Out, Seven Deadly Sins, Where Were You Last Night, hein? Où est-ce que vous étiez ? Wildberry Trist et Nobody's Child. Il y aura également du McCartney, du Lennon, du Starr et du... Tiens, j'ai mis deux fois Lennon, comment ça se fait? Ah oui, je sais pourquoi. Et des Beatles. Parce que toutes les chansons Beatles seront en live, donc là sur la playlist, il y a marqué Lennon, puisque ce sera Come Together en live, par exemple. Mais pour McCartney, ce sera Love is Strange sur Wings Wildlife. Pour Lennon, ce sera Baby Please Don't Go sur l'anthologie Ascot... En 98, Anthologie 1, et Ringo Starr, Have You Seen My Baby sur Ringo en 73. Et donc, toutes les chansons Beatles seront en live. On commencera par John Lennon avec Come Together sur l'album Live in New York City, sorti en 1996. Voilà pour tout. Vous nous retrouvez sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four pour en parler. Le topic qui est tout en haut, c'est là qu'on cause. Et puis, j'ai de bonnes nouvelles maintenant. Allez chercher sur... Deezer, allez chercher sur podcast, les iTunes podcast, vous retrouvez la saga des Fab Four. Il y en a sur plein d'autres. J'ai même pas tout en tête tellement c'est complètement dingue. Je suis en train de les mettre progressivement. J'ai commencé par la 463 la semaine dernière et je recule dans le temps pour essayer de les mettre toutes. Ça prend un temps fou, mais vous allez pouvoir écouter les podcasts sur toutes les plateformes possibles et imaginables a priori. C'est génial et c'est gratuit toujours pour vous. Allez, on commence par les Traveling Wilburys, She's My Baby, ça commence maintenant. Bonne soirée à vous toutes et tous. We'll be right back. Traveling Wilburys, c'est un super groupe anglo-américain actif de la fin des années 80 au début de la décennie 90. Oui, deux albums, c'est tout. Composé de Bob Dylan, George Harrison, d'où le lien avec la saga des Fab Four, Tom Petty, Jeff Lynne et Roy Orbison. Le batteur Jim Keltner fut surnommé le sixième Wilbury après un sixième Wilbury, point. Après le premier album au succès international, Traveling Wilburys, Wilburys volume 1, comprenant le hit Handle With Care, le groupe est affecté par la mort de Roy Orbison à la fin de l'année 88, mais publie néanmoins un deuxième album intitulé Traveling Wilbury Volume 3, c'est ce que j'ai dit. Des projets de tournée voient le jour, mais ils ne se réalisent pas, et le groupe cesse toute activité début 91. Groupe éphémère, mais pas d'ego, ils se sont vraiment amusés à faire ça. C'est très simple en fait. En 88, Harrison demande à Bob Dylan d'utiliser son studio à Malibu pour enregistrer une chanson, Handle With Care, qui doit apparaître en face B de This Is Love, tiré de son album solo Cloud Nine. Il amène Roy Orbison et Jeff Lynne, avec qui il déjeunait ce jour-là. Dylan et Petty, présents eux aussi, se joignent à la séance, qui tourne à la fête, et ainsi voit le jour les Traveling Wilbury. À l'origine, Tom Petty n'était pas censé faire partie du groupe, mais George, ayant oublié sa guitare chez lui, l'invita à se joindre à eux en allant récupérer celle-ci, la guitare. Voilà comment ça a commencé, le groupe Traveling Wilbury. Vous êtes sur RG, c'est la saga des Fab Four. En 1971, l'amour, c'est étrange. C'est Paul McCartney qui le dit sur l'album Wild Life. Avantage de cette version studio à la version live que vous avez dans le moche album Sometime in New York City de 1972, c'est que sur la fin, là, ce que vous entendez, c'est vraiment du saxo, c'est pas les braillements de Yoko qui voudrait. Non, je pense pas qu'elle ait l'idée de faire comme si c'était un saxo. Elle braille, c'est tout. Et ça détruit la chanson. Alors que là, c'est beau, là, c'est bien, là, c'est chouette. Merci de nous avoir fait une version studio. Est-ce que vous avez vu ma petite amie? Have you seen my baby? C'est Ringo Starr qui le chante en 73. Et si vous l'avez vu, dites-lui que je suis à la radio ce soir. When you're through with my baby.

Merci. Ouais, merci John Lennon. Vous écoutez la saga des Fab Four numéro 464, j'allais dire 84, non, pas encore, dans 20 émissions. Numéro 464 sur RIG 90.7 pour la région bordelaise, mais aussi sur www.rgfm.fr. L'album de la semaine de cette semaine, c'est les Traveling Wilburys, formé de George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne, Tom Petty et un autre, il en manque, je ne sais plus ce que j'ai dit. Il y avait Roy Orbison, mais là, il n'est pas là. Bon, bah écoutez, en tout cas, il y a plus de monde et il y a juste surtout George Harrison, c'est ça qui nous importe. Et voici le deuxième titre, Inside Out, sur RIG. Look out your window, the grass ain't green, it's kinda yellow, see what I mean? Look up your chimney, the sky ain't blue, it's kinda yellow, you know it's true. Shout when you're inside out. Look down your dream pipe. What color do you see? It's got to be yellow. Don't try to fool me. Don't it make you wanna twist and shout? When your outside's in, inside out, and your downside's up. Shout when you're inside out. Be careful where you're walking, you might step in something rough. Be careful when you're talking and saying all that stuff. Take care when you are breathing, something's funny. What's happening out there? It's inside out. Look into the future with your mystic crystal ball. See if it ain't yellow. See if it's there. J'ai repris mes petites notes pour être sûr. Ils étaient 5 au départ. Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison et Tom Petty. Ils n'en sont plus que 4 au niveau du deuxième album qui s'appelle Volume 3, puisque Tom Petty, Jeff Lynne, George Harrison et Bob Dylan sont encore là, mais Roy Orbison est décédé en 1988. Depuis, malheureusement, eh bien, Tom Petty est décédé également, et George Harrison aussi. Il reste donc Jeff Lynne et Bob Dylan. Bob Dylan commence à se faire vieux, il a une voix de crécelle maintenant, mais Jeff Lynne, par contre, lui, j'adore. C'est toujours très très très bien. Voici les Beatles sur RIG. On commence avec If I Needed Someone, c'est sur le Live in Japan, puisque c'est les Beatles en live. Mmh.

1974 sur Walls and Bridges, voici Old Dirt Road sur RG. Sliding on when the dry spell comes. Yeah. grand John Lennon en 1974, Old Dirt Road. Souvenez-vous, il y a quelques émissions, je vous ai passé Ramon, je vous en repasse un morceau. C'est surtout pour la fin qui nous intéresse. Bout de chanson, là, 1971. Deux ans plus tard, sur Red Rose Speedway, voici la chanson complétée. Voici Big Band Bed sur RG. Paul McCartney. Que mon chouchou c'était Paul McCartney parce que j'adore cette musique. Ouais, j'ai dû vous le dire certainement. Vous êtes sur RIG, c'est la saga des Fab Four, une émission qui existe depuis 1984 et qui maintenant est en train de détendre ses ailes, comme les Wings d'ailleurs, tiens, c'est assez original, parce que maintenant vous pouvez l'entendre sur Deezer, sur Apple Podcast, sur iTunes également. Essayez de chercher la saga des Fab Four, les podcasts, et vous allez voir que vous allez trouver et vous allez pouvoir écouter depuis n'importe quel appareil. Ça va être génial, je suis en train de mettre ça en place et ça commence à charger puisque j'ai commencé avant-hier. Évidemment, on démarre avec zéro et là on est déjà à 150 personnes qui ont entendu, qui ont écouté, des trucs comme ça en à peine deux jours. C'est bien, c'est un début. J'espère que ça va se multiplier comme ça de plus en plus et qu'il va y avoir de plus en plus de monde pour écouter la saga des Fab Four. C'est mon plaisir et c'est aussi le vôtre. Voici l'album de la semaine. L'album, c'est Traveling Wilburys, le volume 3, sorti en octobre 1990, et le titre du morceau que je vous propose, c'est Seven Deadly Sins sur RG. Seven, seven, seven deadly sins. That's how the world begins. Watch out when you step in. For seven deadly sins. Aujourd'hui dans la saga des Fab Four, voici Something, c'est donc George Harrison qui s'aimait, et I've Just Seen a Face, forcément lui, c'est Paul McCartney, en live, s'il vous plaît. Thank you. I've just seen her face, I can't forget the time or place we first met. She's just a girl for me, I want all the world to see we've met. La-da-da-da-da-da. Had it been another day, I might have looked the other way and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. La-da-da-da-da-da. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling. Of this I've been alone and I have missed things that kept out of sight. But other girls were never quite like this. La-da-da-da-da-da. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back in. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling. Je ne vous cache pas que ça me donne envie de refaire des lives virtuels comme j'en faisais de temps en temps. Je pense que dans quelques émissions, le temps de vous préparer ça, on va se faire plaisir. On va passer 2 heures à écouter les Beatles ici à Bordeaux, tel qu'ils auraient pu le faire si on leur avait donné la possibilité de le faire. Je vous propose 2 Ringo à la suite. Le premier, c'est Living in a Pet Shop. C'est extrait d'un album qui aurait pu sortir en 1977, qui s'appelait Scouts the Mouth. J'aime beaucoup cet album. Et ensuite, il y aura Are You Ready? Si je me souviens bien, ce sont 2 country qui vont très bien à la voix de Ringo Starr. Ringo Starr, Ringo Starr. Oui, oui, c'est bien de lui que je parle. Today and I took a look around. I was living in a pet shop. Living this life is really getting me down. Living in a pet shop. All of this noise and all of this clatter. All day long we just chatty chat chatter. Oh, what a life, really never stop. Living in a pet shop. About it. Oh, what a life, we'll never stop living in a pet shop. Come on, people, won't somebody try me? I'm a nice fella, won't somebody buy me? This life is really getting me down. Living in a pet shop. If I stay here, my heart is gonna break. Please, if you're going my way, won't you please take me? Oh, what a life, will it never stop? Living in a pet shop. Living in a pet shop. Vous voulez encore? Voici du Ringo Starr. ready. You can read the good and bad books, read them fast or slow, but it is fact or fiction. There's just one way to know. Buddha was dancing underneath the Bodhi tree. He was ready to cross over. He was ready. Ça me fait rire. J'aime bien, moi, ce Ringo-là, et j'aime bien vous faire comprendre que Ringo, ça n'est pas seulement le petit batteur sympa qui a eu du bol d'être avec les Beatles. Non, il a aussi du talent. Il a apporté aux Beatles. D'accord, c'est peut-être le moins talentueux des quatre. Mais quand même, il est là. Et quand même, s'il chante depuis les années 60 et qu'il est encore là et qu'il sort encore des disques, c'est qu'il y a bien de raison. Hein ? Allez, on revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Traveling Wilburys avec George Harrison, etc. Et le nouvel extrait que je vous propose, c'est « Où étiez-vous la nuit dernière ?» Une enquête à la Colombo. « Where were you last night ?» Nous en sommes à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou en solo. Si un artiste ou même peut-être vous chante une des chansons là que les Beatles ont repris, eh bien c'est la cover, même si eux-mêmes les Beatles en leur temps reprenaient une chanson de Chuck Berry ou de qui que ce soit. La chanson que je vous propose, c'est une reprise de Paul McCartney faite par un groupe, Tim Christensen et ses amis, parce qu'il y a plusieurs personnes, j'ai pas envie de tous les citer. C'est un album fabuleux en live qu'il vous faut avoir. Ça s'appelle Pure McCartney. C'est amusant parce qu'il y a eu une compile de McCartney qui s'appelle également pareil, mais sortie un peu plus tard. Et le titre que je vous propose d'entendre en live, c'est Smile Away sur RG. One, two, three, four. C'est tellement près qu'il m'a pas laissé finir sur RG. Ah, et quand même, j'ai le dernier mot. The other day, Et tout l'album est comme ça, avec une pêche fabuleuse. Je vous conseille de vous procurer cet album de Tim Christensen. Il s'appelle Pure McCartney. Et c'est vraiment un conseil de la saga des Fab Four. Bien, nous avons ouvert cette année une nouvelle rubrique qui concerne des chansons qui peuvent être des artistes locaux. Il y a eu la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, c'était Emery Station, par exemple. Et il y aura également un artiste qui s'appelle, j'avais mal dit son nom, c'est Jérôme Duguy. Voilà, lui, il m'a promis un Walma Guitar Jungle Whips pour très très bientôt. Et puis, il peut y avoir les fils d'eux. Et je suis content, grâce à cette nouvelle rubrique, de pouvoir agrandir un petit peu la famille des Fab Four. Avec, par exemple, en 1984, alors que John Lennon est mort depuis peu, Julian Lennon, son fils, se lance et on dirait la suite de l'album Double Fantasy. Je vais vous le prouver. Voici Valotte, c'est Julian qui chante et juste après, il y aura Clean Up Time de son père en 1980 sur l'album Double Fantasy. Écoutez, on dirait vraiment que c'est la même voix, que c'est le même style, c'est un album suivant. Et pourtant... meaning of our love, it fits so tight.

Excusez-moi, mais quelle voix! Paul McCartney, Call Me Back Again sur RIG. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Il y a une rumeur. Attention, ça n'est qu'une rumeur pour l'instant. Mais ça a quand même été relayé par le Maca Club français. Et en général, quand ils disent quelque chose, c'est souvent, très souvent, quelque chose qui arrive. McCartney aurait, je suis obligé de mettre ça au conditionnel, aurait enregistré un album pendant la période où on a été confiné. Il s'appellerait peut-être McCartney 3, pour faire suite à 1900... Ouais, ça tient finalement, 1970 McCartney, 1980 McCartney 2, 2020, il est temps, hein, McCartney 3. Bon, et après 2050 McCartney 4, 2080 McCartney 5, j'en doute. Mais bon... Et si c'était vrai, hein? Alors attendons, ça va peut-être marcher comme ça et ce serait très très bien. Voici l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est The Traveling Wilburys avec George Harrison, avec Bob Dylan, avec Tom Petty, avec Jeff Lynne. Vous voyez que j'arrive à me souvenir des quatre noms quand même, c'est pas si difficile que ça. Voici The Wilbury Twist sur RG. Put your hands in the hand. Put your hand on your head. Put your foot in the air. On your head, okay. Then you hop around the room. Hop around the room. In your underwear. In your underwear. There ain't never been nothing quite like this. Come on, baby, it's the Wilbury Twist. Lift your other foot up. Other foot up. Fall on your ass. Fall on your ass. Get back up. Teeth in a glass. Ain't never been nothing quite like this. It's a magical thing called the Wilbury Twist. Everybody's talking about the Wilbury Twist. Different dance, different dance. For you all to do. Spin your body like a screw. Better not forget it on your shopping list. You can stop by when it's a Wilbury Twist. Ain't never been nothing quite like this. Better come and get it, it's a Wilbury Twist. I guess by now you've got the gist. Everybody's crazy about the Wilbury Twist. Ils étaient prêts à recommencer. Je vous propose de revenir avec Paul McCartney. Tout à l'heure, c'était la voix énorme rock et rauque de Paul McCartney. Et là, c'est le côté angélique, le côté doux, le côté merveilleux sur un album qui est sorti en 1979 et qui s'appelle Back to the Egg. After the ball, after the ball, you were the one out in the hall. You were the one who would love me after the ball. After the ball, after the ball, you were the one out in the hall. You were the one, one who would love me after the ball.

true, I'll never leave. And if I do, I know the way. Yeah. Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you to hear me say, ça va revenir, les Beatles en live dans quelques secondes, mais pour l'instant, on va écouter un dernier extrait de l'album de la semaine, l'album Traveling Wilburys Volume 3. Et en fait, il est sur, je crois qu'il n'est pas sur le Volume 3, il est sur la compilation sortie un peu plus tard. Voici Nobody's Child sur RIG. As I was slowly passing an orphan's home today, I stopped for just a little while to watch the children play. Alone the boy was standing, and when I asked him why, he turned with eyes that could not see, and he began to cry. I'm nobody's child, I'm nobody's child, just like a flower, I'm growing wild. No mama's arms to hold me, no daddy's smile, nobody wants me, nobody's child. In every town and village, there are places just like this, with rows and rows of children, babies in their cribs. They've long since stopped the crying, as no one ever hears, and no one's there to notice them or take away the fears. Nobody's child, nobody's child, just like a flower, they're growing wild. Got no mommy's kisses and no daddy's smile. Nobody wants them, they're nobody's child. Nobody's child, they're nobody's child, just like a flower, they're growing wild. No mommy's kisses, no daddy's smile, nobody wants them, they're nobody's child. Nobody wants them, they're nobody's child. nobody's child. En tant que chanson légale, c'était à l'époque, on appelait ça un bootleg, Best Friend, Monsieur Paul McCartney dans les années 70. J'adore cette chanson. Montez le son, c'est sur RG, c'est la saga des Fab Four.

va terminer cette saga des Fab Four avec le message des Beatles depuis le début. C'est Ringo qui chante Choose Love sur RIG. Sky is turning blue, now you're here. We've come a long way, day after day. We still got a long way to go. You've got to pay your dues if you wanna sing the blues. But no matter what you choose, choose love. Yeah. Mais certains d'entre nous travaillons demain, hein? Donc faut bien s'arrêter à un moment donné ou à un autre. Ou pas, hein? On verra, il y a peut-être quelque chose qui arrive derrière, mais ce serait juste une. Ce serait peut-être une seule. Un truc que j'adore en ce moment et que j'écoute en boucle. Peut-être, c'est pas sûr. Allez, je vous remercie. Pas d'Eric, puisqu'il était en voyage pour son boulot. Et on lui souhaite une très très bonne soirée. Je suis à peu près certain qu'il a écouté. Et je vous souhaite une très très bonne nuit. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. C'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four. Salut, ciao. Restez encore un peu, restez encore un peu.